Nous avions évoqué le patrimoine dans le Delta. Je vais me consacrer au patrimoine plutôt archéologique du Delta. Ne seront pas concernés les sites sous-marins, puisqu'on en a excellemment fait état hier, ni même les forts du côté donc d'Aboukir. En revanche, je vais évoquer quelques grands sites du Delta parce qu'ils reflètent évidemment de manière très importante l'histoire de l'Égypte pharaonique. Nous avions évoqué précédemment l'importance du Delta par rapport à l'Égypte en général. Vous verrez que le Delta est l'endroit où se situent les 20 nomes, c'est-à-dire les 20 circonscriptions administratives ou provinces de l'Égypte ancienne par rapport aux 22 nomes, aux 22 provinces de Haute-Égypte. C'est-à-dire si, à l'époque pharaonique, le Delta, la Basse-Égypte, joue un rôle très important. Alors la Basse-Égypte comprend évidemment tout ceci jusqu'à Memphis. Je n'évoquerai pas évidemment ce qui concerne les musées du Caire, ça prendrait beaucoup trop d'ampleur, ou même les sites d'Héliopolis. Je vais donc me concentrer sur cette région. Alors, les musées, évidemment, c'est un grand sujet en Égypte. Et il y a de grandes ambitions depuis de nombreuses années. Dans la revue Muséum International en 2005, le projet de rénovation des musées avait été évoqué par Zahi Hawass, alors secrétaire général du Supreme Council of Antiquities, et donc une série donc, de rénovations de musées à travers toute l'Égypte, mais aussi des projets, je dirais, pharaoniques, tels que le Grand Egyptian Museum de Giza, dont nous ne parlerons pas ici, mais aussi le musée de Fostat, le musée de la civilisation égyptienne. Et donc, depuis, je dirais, les années 2000, il y a de très grands projets à travers toute l'Égypte. Je choisis ici ceux qui concernent le Delta, et notamment il était prévu à ce moment-là l'aménagement d'un site muséal à Kom El Shugafa, l'ouverture étant prévue en 2006. Donc c'est un projet qui est toujours en cours. L'ouverture d'un musée à El Arish, un musée de la civilisation qui couvre l'époque préhistorique jusqu'à l'époque contemporaine. La première étape a commencé en 2004. Ce musée est ouvert au public, mais évidemment, pour les raisons de la situation actuelle, n'est pas accessible. National Museum of Suez, qui, quant à lui, est terminé. Le National Museum of Rashid, dont nous reparlerons, qui est aussi ouvert. The Royal Jewelry Museum à Alexandrie, qui a été fermé pendant tout un temps et qui est de nouveau ouvert et accessible. Et un projet alors de Kafarishir Museum, qui est aussi un musée de civilisation comprenant des objets depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Le Port Said National Museum, qui était aussi prévu. Le Greco-Roman Museum, qui lui existait, mais et donc avait été démonté, en sauf la façade, en vue d'une restauration. Ce musée n'est toujours pas ouvert, mais donc on peut espérer que dans un proche avenir, il le sera. Le musée de la civilisation à Alexandrie, qui est prévu pour illustrer l'histoire d'Alexandrie à travers les âges, ici à Alexandrie, il est ouvert. Et alors, les musées de la bibliothèque d'Alexandrie, donc accessibles. Le Supreme Council of Antiquities, à l'époque maintenant s'appelle le ministère des Antiquités de l'Égypte, a publié une liste, mais qui n'est pas à jour, donc des musées où vous voyez donc évidemment les projets de musées. D'autres musées également donc, avaient été planifiés. Par exemple, un musée à Tel et Daba, qui est le site d'Avaris, dont on reparlera tout à l'heure, et l'importance de ce site. Et également à Marsa-Matrou. Ainsi, un musée avait été projeté. Donc, nous allons évoquer les musées qui concernent surtout l'Antiquité, les Antiquités, et d'abord, évidemment, le musée gréco-romain d'Alexandrie, qui est évidemment un modèle et très important, qui était un musée, je dirais, dont la muséologie, la muséographie était assez pertinente, et je dirais que les objets étaient, assez savamment disposés. On peut regretter, effectivement, que ce musée, aujourd'hui, qui contenait donc des antiquités non seulement à l'intérieur du bâtiment, mais également dans le jardin qui était aménagé. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en est. Enfin, ma photo n'est pas tout à fait récente, puisque je pense qu'il y a eu un progrès. Donc, parmi les objets, je vous montre avec peut-être un peu de nostalgie, puisqu'ils ne sont pas accessibles aujourd'hui. Donc, des objets et des œuvres tout à fait représentatives de l'histoire d'Alexandrie, mais aussi du Delta. Les musées à la Bibliotheca Alexandrina, alors là, les musées sont très très importants. Il faut dire qu'il y en a plusieurs, et les musées de la Bibliotheca Alexandrina me semblent assez représentatifs et assez exemplaires aussi par leur exploitation didactique et pédagogique. Il y a des programmes multiples et variés destinés aux enfants. D'abord, un musée de l'imprimerie qui est assez original en Égypte. Un musée d'archéologie avec un catalogue en anglais et un catalogue en arabe. Un musée qui concerne non seulement le patrimoine archéologique d'époque pharaonique, mais aussi des œuvres d'époque copte, d'époque byzantine et d'époque musulmane, avec parmi les chefs-d'œuvre, évidemment, des œuvres aussi récemment donc découvertes. Voilà une œuvre qui voyage aujourd'hui avec l'exposition qui a été présentée à Lima, à l'Institut du monde arabe à Paris récemment, et qui est maintenant à Londres. Également un musée tout à fait étonnant, des manuscrits présentés dans un climat et des conditions tout à fait adaptées, avec aussi des étiquettes. Alors, un musée qui est peu connu, mais qui est un musée tout à fait, une collection tout à fait remarquable. Et là, j'ai le plaisir de saluer le docteur professeur Mona Hagag, qui est très investi dans ce musée, qui a écrit d'ailleurs à propos de ce musée, The Educational Museum of the Faculty of Arts. C'est la faculté des arts d'Alexandrie est ancienne, de 1938, et ce musée contient des objets qui ont été découverts lors des fouilles. Les fouilles de l'université d'Alexandrie à différents endroits, notamment à Hashmonaïn, c'est le site d'Hermopolis Magna, à Alexandrie même, mais aussi à Gizeh et en Nubie. Et donc ça veut dire que la collection est très importante. Il y a plus de 3000 numéros d'inventaire qui sont donc répertoriés, et environ 900 pièces depuis la préhistoire et couvrant toute l'époque pharaonique. Donc sans compter, au-delà de ces 900 pièces, il y a évidemment des objets qui relèvent du monde romain, copte romain et islamique. Voilà quelques vues de ce musée, mais qui est en cours de rénovation. Et donc le Centre d'études d'Alexandrie a déjà publié en collaboration avec les collègues de la Faculté des Arts d'Alexandrie le catalogue des des pièces d'époque islamique, des céramiques islamiques, et en cours alors, également en collaboration avec professeur Rania Mostafa, la publication des antiquités pharaoniques et préhistoriques. Voilà quelques vues de ce musée, avec donc des pièces, il y a quelques pièces tout à fait remarquables d'époque pharaonique, mais aussi des répliques, et ça c'est intéressant dans la perspective donc d'un musée qui a donc une perspective éducative. Le National Museum, alors ceux qui, d'entre vous qui n'ont pas encore vu, j'espère qu'ils auront l'occasion de le voir, qui était donc ouvert il y a quelques années, mais comme vous voyez, c'est dans un bâtiment, ancien bâtiment historique qui n'était pas prévu pour être un musée. Et donc, c'est un musée qui est tout à fait magnifique. La muséographie est assez étonnante. En revanche, il y a parfois des problèmes de climatisation. Des œuvres majeures sont présentées également dans le jardin du musée. C'est un musée comme plusieurs musées aujourd'hui en Égypte, destiné à couvrir toutes les cultures de l'Égypte, depuis donc l'époque préhistorique, l'époque pharaonique, l'époque gréco-romaine, l'époque copte et romaine, et l'époque donc musulmane, avec quelques œuvres majeures également. Voilà, par exemple, des œuvres qui évoquent l'époque musulmane, des œuvres majeures. Certaines d'entre elles ont été prêtées par le musée égyptien du Caire, ce qui était également le cas des collections qui se trouvent à la faculté des arts d'Alexandrie. Donc des œuvres majeures, voilà par exemple une tête qui évoque le fameux pharaon féminin Hatshepsut, et alors des œuvres qui sont plutôt d'époque gréco-romaine. Alors, un musée aussi très intéressant qui personnellement me plaît beaucoup, c'est le musée d'Ismaïlia. Voilà l'architecture exacte de ce musée. Un musée qui est un musée assez ancien, avec une muséographie, je dirais, qui rappelle celle du musée égyptien du Caire, avec des vitrines, mais qui contiennent également donc des meubles avec donc des réserves d'objets qui sont donc à l'intérieur de ces meubles. Et vous voyez alors quelque chose aussi très intéressant au niveau de la forme des vitrines qui rappelle aussi la forme des meubles d'époque pharaonique. Ça, c'est une tendance dans la création des musées depuis le début, hein, le premier grand musée créé au Caire, d'abord par à l'initiative de Mariette, a aussi donc un mobilier de ce type qui rappelle et des vitrines avec des corniches à gorge qui rappellent un peu la forme des temples anciens, des temples pharaoniques, avec un étiquetage très intéressant, vous voyez, qui date un peu, hein, il est tapé à la machine, mais bon, enfin. Quand même des projets intéressants avec un miroir ici à l'arrière qui permet de profiter des objets et à l'arrière des objets. Le musée de Suez, qui a été ouvert donc il y a quelques années, qui est un musée, un bâtiment moderne. Et donc on parlait hier avec le docteur Mohamed Mustafa Abdelmegid de ces bateaux qui ont été reconstruits, qui ont évoqué les expéditions égyptiennes au pays de Punt, bateau qui a navigué et qui est maintenant donc déposé dans ce musée. Un musée résolument moderne, avec des œuvres donc qui se trouvent également à l'extérieur ou à l'intérieur. Un musée qui évoque également, je dirais, les différentes périodes de l'histoire de l'Égypte. Je ne vais pas les citer, voilà quelques aspects des vitrines avec des répliques, et c'est un peu obsessionnel ici en Égypte, cette réplique du buste de Néfertiti qui se trouve conservée au musée de Berlin, avec aussi des répliques des temples pharaoniques qui ont été données par une association française qui est l'Atelier de Séchat, qui est une association intéressée aussi par la médiation patrimoniale. Donc ce sont des modèles réduits des temples qui ont été donnés au musée égyptien, enfin au Supreme Council of Antiquities, et déposés là-bas partiellement, et d'autres ont été déposés au Children's Museum du musée du Caire. Le National Museum donc de Port Saïd, là je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas dans ma documentation, comme vous voyez, comment ça a daté, mais c'est aussi un musée qui est supposé couvrir les différentes périodes de l'histoire égyptienne, depuis la préhistoire, l'époque pharaonique, l'époque copte et musulmane. Musée d'archéologie à Tanta, donc, qui est un musée aussi qui a été conçu il y a déjà de nombreuses années, qui a connu quelques avatars, donc qui a réouvert en 1935, et puis en fait en 1980 il y a une nouvelle un nouvel aménagement de ce musée, et puis ouvert au public en 1990. Alors Myriam l'a bien expliqué, la vie des musées n'est pas un long fleuve tranquille, et donc il y a souvent des tensions entre les intérêts économiques et évidemment les projets culturels. Et ce fut le cas du Kafrechir Museum, notamment. Donc, musée dont vous voyez ici un projet, et plus récemment, l'équipe de ce musée a protesté parce que, donc, il y a à nouveau donc, le projet de fermer le musée et d'en faire plutôt une cafétéria ou quelque chose de ce type. Un musée universitaire exceptionnel aussi, qui est le musée de l'université de Zagazig, un peu comme le musée de la faculté des arts d'Alexandrie. Alors ce musée était fondé en 92 par le professeur Mohamed Bak, avec donc plus de 2000 objets qui proviennent des différents sites archéologiques environnants. Et donc voilà une vue de ce musée, donc qui est un musée résolument moderne, avec donc un grand nombre de pièces qui viennent de Tel Basta, Boubastis, un site dont on verra quelques images, mais aussi d'une nécropole ouverte au public avec des pièces majeures, comme vous voyez ici, je vous montre là quelques images. Et aussi ce musée a le soutien d'une association dont je vais vous parler. Et donc voilà donc un dépliant qui est donc un dépliant tout à fait attractif, qui présente donc quelques chefs-d'œuvre et quelques trésors de ce musée. Et comme je vous le disais, il y a donc un projet MINE, Museum in the Nile Delta, qui est un projet qui a été fondé de manière à faire découvrir au public les trésors qui se trouvent dans des petits musées répartis dans le Delta, avec une série de publications. Ce projet, donc cette publication des trésors, est une entreprise donc de ce projet Museum in the Nile Delta, en collaboration avec l'université Humboldt de Berlin, parce que évidemment les collègues de cette université fouillent également différents endroits dans le Delta, avec donc voilà par exemple ici vous pourrez trouver en ligne une série d'informations sur le musée de Zagazig, donc tout ceci vous le trouvez en ligne, avec des informations assez précises sur les objets. Et donc c'est un projet qui me semble très intéressant, deux publications donc majeures à leur actif sur ces collections donc des musées du Delta, avec aussi des projets conjoints de restauration d'œuvres, par exemple dans l'exemple qui est donné ici, c'est une statue cube qui se trouve conservée donc au musée de Zagazig. Alors voilà donc ce que vous pouvez trouver en ligne, donc une belle publicité pour ces musées, et je dois dire que c'est intéressant dans la mesure où l'accès de ces musées est à l'heure actuelle très difficile. Hein, donc, très difficile, je vous dirais, pour le large public, bien entendu. Hein, pour le public des touristes, c'est un peu compliqué. Un autre musée, le Cherkasy National Museum, vous voyez donc ici, qui a été ouvert en 1973, donc par le président Sadat. Et donc, un musée avec une galerie, avec, comme d'habitude dans les musées égyptiens, les œuvres pondéreuses sont bien entendu installées au rez-de-chaussée, avec à l'étage des œuvres beaucoup plus petites. Ce musée-là a été fermé en 2006, et donc les objets ont été donc transportés au musée de site de Boubastis Tel Basta, que nous allons voir tout à l'heure. Et donc, dans la perspective du ministère des Antiquités de l'Égypte, il y a un grand intérêt également au musée de site. Alors, nous parlions il y a un instant de Boubastis Tel Basta. Voilà donc une vue, je dirais, générale de ce site. Boubastis, c'est un lieu très important durant la troisième période intermédiaire. Nous avons vu que le delta est un endroit essentiel dans l'histoire de l'Égypte pharaonique, puisque c'est l'endroit des royautés étrangères. On a pour la première fois eu dans le delta, par exemple, des souverains Hyksos, hein, on y reviendra dans un instant, et puis à la troisième période intermédiaire, des souverains d'origine libyenne. Donc, voilà, Boubastis, avec un temple important dédié à Bastet, qui apparaît sous sa forme de chat. On a évoqué Bastet lorsqu'on a évoqué les transformations donc, de la déesse Hathor, et Marion a superbement évoqué hier donc, toutes ces entités divines, ou tous ces êtres attachés donc, aux différents sites du Delta. Avec des œuvres majeures, voilà donc un fragment d'une statue colossale de reine, évidemment un site qui est un peu compliqué, mais il y a eu un aménagement du site, et vous voyez cette reine qui a été redressée et qui est donc aujourd'hui très spectaculaire. C'est un site qui peut donc très très bien attirer le public et les touristes. Alors là, je me suis un peu éclatée pour cette reine. Aménagement également, un peu comme on le trouve par exemple à Karnak ou à Luxor, avec une espèce de musée en plein air, et donc toute une série de blocs qui évoquent donc le monument du site. Hein. Voilà quelques exemples aussi. Évidemment, là, tous les tessons. Et alors, le musée, je ne l'ai pas vu, mais voilà donc le musée qui est installé sur le site de Tel Basta. Alors, Tanis, San El Agar, évidemment, un autre site majeur de l'Égypte ancienne et du Delta, le lieu en particulier d'une capitale majeure à la troisième période intermédiaire. Voilà, ça c'est le panneau que l'on voit à l'entrée du site, parce qu'il y a sur les sites archéologiques égyptiens aussi des efforts, je dirais, de médiation avec la présentation de plans. Un site majeur donc pour un temple d'Amon, et il est apparu à la suite des fouilles archéologiques françaises conduites là que le site de Tanis est en quelque sorte une réplique dans le nord du site du sud qu'on trouve à Thèbes. C'est un peu la Thèbes du nord à la troisième période intermédiaire. Donc un site très important, mais avec des, je dirais, comme vous voyez, un paysage un peu lunaire, un peu difficile. Un site d'autant plus majeur qu'à l'intérieur même de cette enceinte, on trouve également donc des tombes royales qui ont livré, alors à partir de 1947, des objets très importants, des objets en or qui ont également, qui sont présentés aujourd'hui au musée égyptien du Caire. C'est un site qui est connu depuis très longtemps, et là je n'ai pas pu résister, Marie-Do, tu me pardonneras, mais d'évoquer mon Jean-Jacques Riffaut, ce voyageur marseillais. Tu évoques le très beau livre, et très peu cher pour la qualité du livre, que tu as publié l'an dernier. Hein? Donc il ne faut pas que l'évoquer, il faut aussi faire de la publicité pour ce livre qui est de Jean-Jacques Riffaut, qui est paru aux éditions Safran, et que vous pouvez voir à la bibliothèque si vous voulez. Et donc Jean-Jacques Riffaut, c'est un voyageur qui a donc séjourné en Égypte entre 1813 et 1826. C'est un aventurier avant tout, ce n'est pas un érudit, mais il cherche donc à collectionner les objets, et il est le premier à avoir fouillé dans le delta. Je vous donne l'exemple de Tanis, mais il a fouillé également dans d'autres sites. Fouiller, c'est-à-dire extraire des statues, évidemment, pour les vendre. Mais il est donc le premier à avoir fait une espèce de carte. Vous voyez ici Tanis avec des statues colossales, des sphinx, mais aussi des obélisques. Ça, c'est un plan qui se trouve dans les archives de Jean-Jacques Riffaut conservées à Genève. Il a également donc extrait toute une série de statues de Tanis. Mais il a fouillé beaucoup à Karnak. Et alors, il faut le dire, et ça c'est un détail important pour l'histoire d'Alexandrie, après 13 années en Égypte, il est rentré en France avec l'espoir de créer un musée à Marseille avec toute une série d'antiquités. Alors, il a emporté avec lui des antiquités, des animaux naturalisés, parce qu'il voulait faire un musée, un peu description de l'Égypte, muséalisé, si je puis dire, mais il n'a pas pu tout emporter. Et donc, il a laissé sur le quai, ici à Alexandrie, ou en tout cas, quelque part à Alexandrie, une série de statues qui viennent de différents endroits où il a fouillé. Il a fouillé aussi dans le Fayoum. Et donc, ces statues ont été laissées là et se trouvent un peu dispersées, certaines encore du côté aujourd'hui de la colonne de Pompée. Mais donc, elles ne sont pas originaires d'Alexandrie. Et donc, je voulais simplement, en vous évoquant Jean-Jacques Riffaut, et vous dire aux collègues égyptiens l'importance des récits des voyageurs d'autrefois, et aussi de connaître un peu l'histoire des pièces. Et voilà. Pour le reste, quelques images un peu de Tanis, pour ceux qui n'y sont pas allés encore jusqu'à présent. Donc, importance de la documentation du site. Alors là, j'ai relevé aussi parmi les projets du ministère des Antiquités de l'Égypte ce projet qui a été publié en 2005 de musée à San El Agar. Donc, San El Agar, c'est le nom actuel de la ville de Tanis. Mais enfin, Samarine, vous me direz peut-être s'il y a quelque espoir ou quelque idée, ou s'il y a une pierre, ou en tout cas si on parle encore de ce projet, ou, bon, enfin voilà, on va demander à Marie. Alors, je vous disais qu'il y avait également un projet de musée à Tel Daba. Tel Daba, c'est donc le site d'Avaris. Avaris est un lieu important à la 13e dynastie, 15e, 17e dynastie, c'est à l'époque donc où on voit arriver dans le delta des populations que l'on connaît sous le nom de Hyksos, c'est la transposition en grec de l'égyptien Ekaou Niou Hazout, qui veut dire les chefs des peuples étrangers. Ce sont des gens qui viennent d'Orient et qui sont passés peut-être par la branche pélusiale du Nil, et en tout cas qui se sont installés en Égypte. C'est une histoire d'autant plus intéressante, importante, que certains ont fini par lier ça à la période de l'Exode, en faisant des parallèles entre l'Ancien Testament et l'archéologie. Tout ça est en discussion, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est parmi les découvertes de Tel Daba, une série, voilà, quelques... une série de pierres ponces trouvées en grande quantité à Tel Eddaba, voilà un exemple, qui évoque évidemment l'île de Santorin. Et voilà la répartition donc, des pierres ponces qui sont dues à l'explosion du volcan de Santorin. Tel Eddaba est aussi assez représentatif par la découverte de fresques, d'une série de fresques minoennes. Enfin, ici c'est une reconstitution, bien entendu, à partir d'éléments fragmentaires, mais aussi, par exemple, de fragments de statues avec cette coiffure si caractéristique de cananéen. Découverte aussi d'une sépulture de cheval. Vous savez que le cheval, en fait, a été introduit en Égypte à partir de cette époque. Il est utilisé notamment par les Hourites au Proche-Orient. C'est une découverte d'une tombe. Donc, Tel Eddaba est un site vraiment très révélateur aussi de ces rencontres dans le delta avec des découvertes fameuses. À proximité de Tel Eddaba se trouve une autre cité qui est Pi Ramsès, la maison de Ramsès, et qui est surtout une résidence majeure à l'époque de la 19e dynastie, à l'époque du pharaon Ramsès II, qui est donc le pharaon qui a régné, comme vous savez, à peu près 69 ans. C'est un lieu stratégique aussi. Si évidemment on établit la résidence là, alors que traditionnellement la résidence se trouve à la pointe du delta à Memphis, une résidence très importante, c'est parce qu'évidemment il y a aussi l'intérêt de contrôler tous ces mouvements de population qui viennent de l'Est. Pyramsès a donné lieu à des découvertes majeures, reconstitution de Jean-Claude Golvin, comme on en avait déjà vu hier, mais là aussi tout ça se fait dans des conditions un peu compliquées. Voilà, fragments de statues colossales des pieds, en tout cas, de Ramsès II. Donc un patrimoine qu'il est important de conserver, mais comment conserver la mémoire de tout ceci, puisque ça se trouve dans des champs fragmentaires. Et donc je vous proposerai donc une idée. De même, Tel Mokdam, Léontopolis, qui est un lieu très très important, la ville des lions, puisque ce lieu est consacré à une déesse que l'on a évoquée également hier, qui est Sekhmet, Avatar Vadesator. Voilà les conditions évidemment de la fouille, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas, pour quand même donner un peu plus d'ampleur à ce site, j'ai choisi donc quelques objets qui évoquent donc ces divinités félines provenant de Tel el-Mokdam. Un autre site très important, mais dont la mémoire, je dirais, ou en tout cas les œuvres, sont réparties à différents endroits. Et d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir, je vous présente un obélisque qui vient de Saïs, Sahel-Agar, qui se trouve à Rome aujourd'hui. L'histoire des objets, l'histoire des obélisques est assez fabuleuse. Vous voyez qu'il est sommé d'une croix chrétienne, puisque cet obélisque avait été transporté dans l'Antiquité au champ de Mars à Rome, et puis il s'est trouvé à proximité d'un temple d'Isis et transformé en temple de Minerve et transformé aujourd'hui en église consacrée à la Vierge. Et donc l'aménagement a été fait par le Bernin à la demande des papes. Donc un site qui se trouve assez dévasté, enfin il n'en reste plus grand chose aujourd'hui, avec un temple qui a été l'état du site aujourd'hui. Mendès avec un naos tout à fait majeur, construit à la 26e dynastie. Bouto, une ville importante du delta, on parlait de Wadjet cette personnification du nord de l'Égypte, dont c'est le centre. Buto avec des fouilles également importantes et des fouilles également conduites par les Français. Taposiris Magna, qui est un site majeur, également qui a donné lieu à toute une série de découvertes importantes. Voilà donc quelques images ici, Plaintine, avec un site qui était exploité et fouillé par différentes équipes jusqu'à aujourd'hui. Voilà le site de Taposiris, avec à l'intérieur des vestiges d'une église, mais il s'y trouvait également un temple d'Isis. Projet de reconstitution donc virtuelle de cet établissement à proximité de Taposiris, également un monument qui évoque le phare d'Alexandrie et qui est aussi un monument qui est d'abord un monument funéraire, mais qui est très important pour la documentation. Donc tous ces sites majeurs les objets et en tout cas toute l'histoire de ces sites devraient pouvoir être conservés, si pas in situ. On peut imaginer un musée virtuel ou en tout cas une exposition virtuelle comme ce fut le cas avec Naucratis dont on parlera tout à l'heure. Aménagement de site, évidemment, l'exemple particulier ici est celui de Kom El Dika, avec donc aussi, je dirais, un musée, en tout cas un musée en plein air, avec une série d'œuvres qui ont été découvertes dans la mer, et donc qui font état des découvertes récentes, mais aussi l'aménagement, et ça c'est particulièrement intéressant à observer, l'aménagement donc d'une villa avec une mosaïque tout à fait remarquable, et aussi l'aménagement du site pour que les visiteurs puissent y avoir accès. Donc je pense que c'est très important d'envisager bien sûr cette perspective dans l'idée que les touristes culturels reviendront un jour en Égypte. Naucratis, c'est aussi un cas particulier dans le delta. Naucratis est une ville très importante, peut-être créée à l'époque saïte, c'est-à-dire à partir du 7e siècle avant notre ère, peut-être avant. Mais le site de Naucratis a été fouillé déjà au début du 20e siècle par William Flinders Petrie, l'archéologue britannique bien connu, mais aussi par d'autres fouilles. Et le site a fait l'objet d'une exposition et d'un catalogue extrêmement complet. Alors là, je vous montre quelques exemples de pièces. C'est d'autant plus important que Naucratis a révélé donc une série d'œuvres, par exemple ce type de récipient ou ce fragment d'architecture. Également parmi les éléments que l'on a découverts au début du XXe siècle, une série de céramiques qui viennent donc du Proche-Orient, mais également des modèles de maisons-tours comme on en a ici à Alexandrie. Je vous disais que donc là aussi Naucratis, c'est évidemment un lieu très difficile à fouiller. Et donc, comme les objets qui en proviennent sont répartis, il y en a quand même toute une série au British Museum en raison justement de l'origine des fouilleurs, ce qui peut être intéressant, c'est cette reconstitution virtuelle, un peu comme le font les auteurs du projet du Museum in Nile Delta, soit par une publication, mais qui rassemble, je dirais, les objets en un livre qui évoque donc tout cela. Rachid, voilà quelques images. Je ne vous en parle pas beaucoup puisque demain nous aurons la chance d'avoir Catherine et Guylaine surtout avec nous pour visiter ce lieu, cette ville. Simplement vous rappeler que Rachid Rosette est surtout connue pour la découverte de la fameuse pierre, pierre dite de Rosette, qui porte donc un décret en trois écritures et en deux langues, écriture hiéroglyphique, démotique est une forme cursive de l'écriture hiéroglyphique, et en grec. Et c'est ce qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer l'écriture égyptienne. Vous voyez que ce n'était pas gagné, puisque évidemment on connaissait le contenu, puisque la langue grecque n'était pas perdue. En revanche, dans les écritures anciennes, il n'y a pas d'espace entre les mots, il n'y a pas de point ni de virgule qui ponctue la phrase, donc ce n'est pas très clair savoir où se commence un mot, où se termine le mot, mais il y a des repères avec le nom de souverain qui sont écrits dans cet ovale qu'on appelle un cartouche, et c'est à partir de là enfin que Champollion est arrivé. Autre musée qui mérite d'être mentionné, le musée du patriarcat d'Alexandrie, avec un musée qui est donc accessible depuis quelques temps, quelques années, avec des collections qui évoquent aussi, bien sûr, le patriarcat, je veux dire l'église grecque orthodoxe, avec tout le mobilier religieux, des inscriptions qui sont naturellement en grec et en anglais pour les labels, mais donc toute une collection assez remarquable, mais également une collection de livres précieux, importante à signaler. Je dois dire qu'à la Bibliotheca Alexandrina, il y a aussi des livres précieux, on a vu les manuscrits. Voilà quelques exemples de ces manuscrits. Patriarcat également. À la suite donc de fouilles et de réaménagements, l'aménagement d'un musée archéologique tout à fait étonnant, avec des œuvres qui sont donc présentées, des œuvres qui évoquent aussi les différentes périodes de l'histoire de l'Égypte. Je vous montre quelques exemples d'œuvres aussi de l'époque copte et islamique. Alors un musée assez intéressant, enfin, je l'ai visité simplement pour le documenter, je dois dire. C'est le musée de la bijouterie. Alors on ne peut pas faire de photographie à l'intérieur, donc là vous avez des vues surtout extérieures. Le bâtiment est assez intéressant aussi au niveau de l'architecture. Enfin c'est un bâtiment qui reflète l'esprit de son temps, je pense, surtout au niveau du vitrail, mais avec des bijoux, enfin un trésor, je dirais, assez intéressant, que je vous montre un peu pour le plaisir des yeux, et voilà. Et alors, je vais terminer par un pont. Alors ça, c'est une première, pardon. Ça, Damiette. Oui. C'est une première en Égypte, c'est cet intérêt pour l'archéologie industrielle. Et donc, voilà, donc on a amené à Damiette une partie, la travée tournante du pont d'Embaba. Hein, au Caire, il y a un pont très important, un pont métallique sur le Nil, qui a été construit à partir de 1913. Et donc voilà comment ce pont, cette travée qui a été désaffectée au Caire, a été transportée à Damiette et transformée. Vous voyez qu'on a fermé ici les travées par des vitres. Et donc c'est un lieu culturel qui sert à la présentation d'expositions, qui sert aussi à y faire des conférences. Donc un lieu tout à fait particulier. Très très étonnant, pardon. Tu es sûr que c'est Damiette? Pour moi, c'est un mensonge. C'est vrai? Ah non, j'ai vu ça à Damiette. C'est toi qui as fait des photos? Non, j'ai vu la publication. Ah. J'étais à l'inauguration de ce truc, je pense que c'est Mansoura. Ah, alors, Mansoura, voilà. Et donc, voilà le pont d'Embaba. Alors, ce pont, c'est aussi un élément majeur de l'archéologie industrielle. Ici, nous sommes au Caire. Et donc, ce pont a été transformé. Donc voilà le pont d'Embaba, mais alors autrefois. Et il se trouve que ces ponts, cette architecture métallique sur le Nil est une architecture très importante qui a été établie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et il y a une firme belge, une entreprise belge qui s'appelle Baume et Marpan. C'est une entreprise belgo-française, mais qui est donc établie en Belgique. Et donc, nous avons, près du Musée royal de Marimont, dans lequel je me trouve, les archives de cette entreprise industrielle qui a construit quand même près d'une centaine de ponts métalliques sur le Nil, du Soudan jusqu'ici dans le Delta. Et donc, ces archives se présentent comme ceci. Et donc, parmi les projets que j'avais proposés, mais qui n'ont pas abouti jusqu'à présent, il y avait le projet de la numérisation de l'intégralité de ces archives, puisque nous avons toutes ces archives des ponts du Nil, là, qui sont conservées, avec l'idée de les publier. Parce qu'il arrive régulièrement que des ingénieurs égyptiens viennent chez nous pour consulter ces plans d'archives lorsqu'il y a des éléments de restauration à faire. Voilà, bien je termine ici et je vous remercie de votre attention.